Attends, je le refais parce que je vois que tu es en train Bah, il y a d'écrire. 5 secondes. Ouais, je sais pas s'il y a 5 Je secondes. Alors pense à peu attends, près. concentre-toi bien, je vais le refaire. 1, 2, 3, 4, 5. Ben, quand tu dis 1, il y a le message 5 qui apparaît. Oh putain, quel truc de Quand barjot. moi j'entends 1. Ouais. Ben, c'est un gros truc de fou, quoi. À peu près, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, en fait, il doit y avoir un système de décalage, tu vois. En fait, je crois que j'ai compris. On a les 16 temps. Les 16 temps de décalage, justement. Ouais, mais qui reste dans les temps, en fait. Voilà, ouais. En fait, il stocke l'enregistrement et il le balance quand ça arrive à zéro pour que ce soit calé. Attends, bête, c'est quoi? Je vais faire un test avec le métronome, mon gars. Je vais te faire un truc. Poum, cac, poum, cac, poum, cac, poum, cac, poum, cac, poum, cac, poum, cac, poum, cac, poum, cac, poum, cac, poum, cac. T'es calé ou pas? Poum, cac, poum, cac, poum, cac, poum, cac, poum, cac, poum, cac, Le manga, c'est large poum, calé. Hein. cac, poum, cac, poum, cac. C'est calé nickel. Ça tue, mon gars, alors. En fait, justement, voilà, c'est basé sur le calage, quoi. C'est pile quand tu dis poum, ça décale la barre en bas. C'est énorme. Bah du coup, voilà, on pourrait faire des trucs là-dessus. En plus, le son, il bug pas. Ah ouais, il s'arrête jamais?